Je vais te pénétrer avec une guitare, entrer des notes dans ton corps, cordes sensibles dans la nuit, et de l'amour pour toute la vie. Je vais te pénétrer avec une guitare, entrer des notes dans ton corps, cordes sensibles dans la nuit, et de l'amour pour toute la vie. Échanger les idées de nos corps, entrer des roses dans ton corps, nature sensible dans la nuit. Je veux te saisir de mes rythmes et puis te prendre avec un sens. Suivre rythme de gestes et de pas, note dans le corps jusqu'à la mort. Changer les idées de nos corps, sans articuler, exprime la pensée, te parler, tu ne m'entends pas. Dire des choses, personne ne m'écoute, ma voix trépasse si le son passe. J'échoue un jour, j'arriverai en attendant t'aimer comme les autres. plaire rien que du sexe. Danse.